Chapitre 217. L'obligation et le mérite de jeûner. Saoum, le mois de Ramadan. Allah Ta'ala dit: Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Sourate 2, versets 183 à 185. 1215. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah azza wa jal dit: Toute œuvre accomplie par l'homme lui appartient excepté le jeûne. Il m'appartient et je me charge de l'en récompenser. Le jeûne est une protection. Celui donc qui jeûne doit s'abstenir d'être grossier et de vociférer. Et si quelqu'un l'insulte ou lui cherche querelle, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, l'haleine de celui qui jeûne est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Celui qui jeûne ressent deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne et une autre pour avoir jeûné quand il rencontrera son Seigneur. Al-Bukhari, dont c'est la version, est muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah dit, il s'abstient de manger, de boire et d'assouvir ses désirs pour moi. Le jeûne m'appartient et je me charge de le récompenser, et à chaque bonne action, 10 fois son équivalent. Dans une version de muslim, chaque bonne action est multipliée par 10 et jusqu'à 700 fois. Allah Ta'ala dit, sauf le jeûne, il m'appartient et je me charge de le récompenser. Celui qui jeûne s'abstient d'assouvir ses désirs et de manger pour moi. Celui qui jeûne ressent deux joies, une joie quand il rompt son jeûne et une autre quand il rencontrera son Seigneur. Certes, l'haleine de celui qui jeûne est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. 1216. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Celui qui pour Allah dépense deux sortes de biens sera appelé aux portes du paradis, ô serviteur d'Allah, c'est un grand bien. Celui donc qui se distinguait par ses prières sera appelé de la porte de la salat. Celui qui se distinguait par ses combats pour la cause d'Allah sera appelé de la porte du djihad. Celui qui se distinguait par ses jeûnes sera appelé de la porte surnommée Rayyan. Et celui qui se distinguait par ses aumônes sera appelé de la porte de la sadaqa. Après avoir entendu cela, Abu Bakr dit: Ô messager d'Allah, toi pour qui je sacrifierai père et mère, il n'y a aucun mal à être appelé par une seule de ces portes. Mais est-il possible d'être appelé par toutes ces portes à la fois? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Oui, et j'espère bien que tu en seras. Al-Bukhari et Muslim. 1217. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Il y a au paradis une porte appelée Rayyan, exclusivement réservée le jour de la résurrection à ceux qui avaient l'habitude de jeûner. On dira: Où sont les jeûneurs? Ils se lèveront alors et une fois à l'intérieur, la porte se refermera derrière eux, interdisant à jamais l'accès par cette porte. Muslim. 1218. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Nul ne jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah n'éloigne en récompense son visage du feu d'une distance qu'il faudrait 70 ans pour parcourir. Al-Bukhari et Muslim. 1219. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passés effacés. Al-Bukhari et Muslim. 1220. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les diables enchaînés. » Al-Bukhari et Muslim. 1221. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Commencez à jeûner lorsque vous voyez la nouvelle lune annonçant Ramadan et rompez le jeûne lorsque vous voyez la nouvelle lune annonçant le mois de Shawwal. Si elle n'est pas visible, alors complétez à 30 jours le mois de Sha'ban, précédant Ramadan. » Al-Bukhari, dont c'est la version, est Muslim. Dans la version de Muslim, « Si elle n'est pas visible, alors jeûnez 30 jours. »